l'intérieur. Intérieur. Exposition. Qu'est-ce sera? Intérieur. Exposé. Extérieur. Protégé. Qu'est-ce là? Qu'est-ce là? Pourtant, ouvert sur l'extérieur, je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce là? Hélas, il est vrai que le bilan n'était pas très. On peut se demander si on s'en sortira mieux que des races. Erasme nous aurait dit mieux. Peut-être un peu mieux. Qui paraît aux interstices. À la limite de la nuit. Qu'est-ce là? Aux limites de la nuit. Comme Alice tombée. Comme Alice au fond du trou. Qu'est-ce là? Qu'est-ce là? Ce race, une autre race. Une autre possibilité. your brother. Demain, I am the third revelation. Experiment, ninja position. Position, exhibition.